Avant-dernier mot. L'espace? Mon cœur y meurt sans trace. En vérité, du haut des terrasses, tout est bien sans cœur. La femme? J'en sors, la mort dans l'âme. En vérité, mieux ensemble on pâme, moins on est d'accord. Le rêve? C'est bon quand on l'achève. En vérité, la vie est bien brève. Le rêve est bien long. Que faire alors du corps qu'on gère? En vérité, ô mésans, que faire de ce riche corps? Ceci, cela, par-ci, par-là. En vérité, voilà. Et pour le reste, que tout mette en sa merci.